Ceci est une chanson qui ne parle pas de personnes d'origine maghrébine. Putain, polka, chien pourri, t'as jamais rien su faire de ta vie. Tu fais ton boulot quand là tu n'as pas peur. Ne te permets plus d'acheter des Bavaria. Au moins les picots, ils vendent du shit. Toi tu fais grandir et tu te prends la bite. Quand j'ai 2 euros, je les file pas à toi. Je préfère acheter un Kinder chocolat. Prostitue-toi si d'abord. Au lieu de te faire du piercing sur ta tête, con, tu mériterais que je te fasse bouffer mon caca. Ce sera toujours plus sain que de prendre de l'Alexa. Sans déchets humains, tu ne sers à rien. Tâchez même à du camion à ton chien. Vivement le pouvoir à Jean-Marie Le Pen. T'iras faire des Lego en Cayenne. Charles Martel, si tu savais, la France, ce qu'ils en ont fait, Charles Martel, tu dirais, la France aux Français.